Bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gamozo 107 FM. Aujourd'hui, allez, je vais commencer une série de petites nouvelles de suspense qui sont sélectionnées par Hitchcock Magazine. Voilà, le premier titre, Vivons en paix, par Larry Powell. Je ne peux pas vous dire grand-chose sur Larry Powell parce que je n'ai pas trouvé du tout, ni quand il est né, puis j'ai eu peur de me tromper. Le titre en anglais, c'est A Friendly Relationships. Voilà. Elle est parue donc 1967. Voilà. Vivons en paix. Harold Crane n'était pas du genre bricoleur. Lorsque le jardin avait besoin de soins, il engageait un jardinier. Lorsqu'il y avait des réparations à faire dans la maison, il requérait les services d'un homme à tout faire. Et lorsqu'il voulut commettre un meurtre, il décida tout naturellement de s'adresser à un spécialiste. C'est là que Harold eut à faire face à de nombreux problèmes. Malgré le large éventail de facilités offertes de nos jours au public, il existe une flagrante pénurie de personnel spécialisé dans l'assistance aux personnes désireuses de se débarrasser d'un conjoint encombrant. À en croire la télévision, il existe des tueurs professionnels. Cependant, ils ne figurent pas dans les pages jaunes du bottin ou dans les petites annonces, ni même découvrit Harold dans toute autre publication susceptible de tomber entre les mains du citoyen moyen, respectueux de la loi. C'est pourquoi, en dernier recours, Harold se tourna vers Alan Stoddard. Il n'avait pas d'autre choix s'il ne voulait pas commettre le crime lui-même ou permettre à Marcia de continuer à lui empoisonner l'existence, et il faut dire qu'aucune de ces deux perspectives ne l'enchantait. Il fut un temps où Stoddard avait été riche. Ses parents lui avaient laissé en mourant une fortune appréciable qu'il avait dilapidée en un rien de temps à la mort de son tuteur. Harold l'avait engagé l'année précédente comme secrétaire particulier et n'avait pas été long à se rendre compte que, pour regagner sa fortune, Stoddard aurait fait à peu près n'importe quoi. Lorsqu'ils furent convenus que Stoddard s'occuperait de Marcia, le secrétaire commença à changer. Il se fit plus insinuant, moins respectueux. Bientôt, la plupart des gens qui fréquentaient les Granes surent qu'il était accepté comme un ami de la famille plutôt qu'un employé. La conduite et l'attitude de Stoddard ne firent que confirmer cette impression. Cela ne plaisait guère à Harold, mais que pouvait-il faire? Au bout de 3 mois, cependant, sa patience était à bout. Il commençait à se demander si Stoddard avait réellement l'intention de mener à bien sa part du contrat. « Alan, lui dit-il, je veux voir cette affaire terminée pour de bon avant la fin de la semaine. » Stoddard le regarda en souriant. Les deux hommes étaient seuls. Marcia était encore à une de ses interminables parties de bridge et la pensée de sa femme en train de papoter à une table de bridge l'irritait presque autant que le sourire de Stoddard. « Nous devons être prudents, » dit Stoddard conciliant. « Je sais que vous ne pouvez plus attendre, Harold, mais vous êtes bien placé pour comprendre qu'il faut absolument que cela ait l'air naturel. Personne ne doit rien soupçonner. Ben, »« Naturellement, » dit Harold irrité. « C'est bien pour ne pas être soupçonné que je fais appel à vous. » Stoddard hocha doucement la tête. « C'est pour cette semaine. Mais n'y pensez pas, mon vieux. N'oubliez pas votre ulcère. » Harold se renfrogna. Il n'aimait pas que l'autre mentionnât son ulcère. Beaucoup trop personnel. Il n'avait tout de même pas gardé les cochons ensemble. Affalé au creux de son fauteuil préféré, celui dont Marcia hurlait tout le temps qu'elle allait s'en débarrasser, Harold regardait Stoddard tripoter son magnétophone. Il était continuellement en train de se servir de cet appareil pour enregistrer des cris d'oiseaux, des sifflets de locomotives, le bruit de l'océan et autres sornettes. « Voulez-vous que je vous repasse les cris d'oiseaux ?» demanda Stoddard, comme s'il avait lu dans sa pensée. Il appuya sur une touche et la machine se mit à cliqueter et à ronronner tandis que le ruban s'enroulait. « Vous est-il jamais venu à l'idée que ces trucs-là sont aussi faits pour écouter de la musique ?» ronchonna Harold. « C'est bien plus amusant de fabriquer ses propres enregistrements. » Il sourit. « Il est vrai que vous n'aimez pas tellement faire les choses par vous-même. » Stoddard avait, en ce moment, l'ironie un peu trop facile, se dit Harold. « Comment comptez-vous vous débarrasser de ma femme ?» lui demanda-t-il pour retourner à des choses plus sérieuses. « Je me propose de la noyer, » dit Stoddard sans s'émouvoir, tout en allant derrière le bar se servir à boire. Harold remarqua qu'il lui prenait son bourbon préféré, le Old Crow. « Je suppose, poursuivit Stoddard, que vous savez que j'apprends à nager à votre femme. Nous avons passé pas mal de temps ensemble sur la plage. » « Je l'avais remarqué. » Harold s'était souvent demandé pourquoi Marcia avait insisté pour avoir une maison au bord de l'océan alors qu'elle ne savait pas nager et qu'elle détestait toutes les activités de plein air. Quant à lui, il devenait rouge comme une tomate au plus petit rayon de soleil. Jusqu'à l'arrivée de Stoddard, leur proximité de la plage avait été strictement inutile. « Je lui proposerai une baignade au clair de lune, » disait Stoddard. « Puis elle s'éloignera trop et je ne parviendrai pas à la sauver. C'est tout simple. » Harold déglutit. Il regrettait d'avoir demandé ces détails, mais il avait besoin d'être sûr que Stoddard tiendrait parole. « Quand cela arrivera-t-il ? » ? « Au cours de la semaine, dès que l'occasion se présentera. » Stoddard se versa un autre verre. Harold ne buvait que rarement, par égard pour son ulcère. Mais grâce à Stoddard, ses notes de whisky ne cessaient d'augmenter. Se débarrasser de lui, médita Harold, serait presque aussi agréable que de se savoir libéré de Marcia. Il rêvait du moment où, après l'avoir dûment rétribué, il refermerait la porte sur son sourire niais et son amitié envahissante, sans parler des bruits au magnétophone. « Mais faites vite, hein, je vous en conjure, » dit-il en se soulevant à demi de son fauteuil. Ce matin, au petit déjeuner, lorsqu'elle a repris ses éternelles jérémiades, c'est tout juste si j'ai pu m'empêcher de lui dire que bientôt tout serait réglé. Chaque jour de plus en sa compagnie est un véritable calvaire. Bah, elle n'est pas si terrible que ça. De plus, elle ne manque pas d'un certain charme. J'avoue que je suis attristée à l'idée de ce qui l'attend. « On voit bien que vous n'avez pas vécu 10 ans avec elle, » lança Harold. Il se rembrunit et regarda pensivement Stoddard. Il se souvint que, par son physique et ses allures brutales, Marcia n'était pas incapable d'exercer un certain pouvoir sur les hommes. N'en avait-il pas été la première victime jadis ? « Vous avez passé pas mal de temps avec Marcia ces jours derniers, » fit-il remarquer. « Vous l'avez dit vous-même, est-ce que par hasard vous seriez amoureux d'elle ? Il n'y a rien entre vous, j'espère. » Stoddard réussit à paraître choqué. « Vous êtes mon ami, je ne pourrais vous trahir de cette façon. En réalité, vous avez pris tous les deux une très grande importance dans ma vie. Vous ne pouvez pas savoir à quel prix j'attache à notre amitié. » Les quelques mois que nous venons de passer ensemble auront été parmi les plus chers de mon existence. Que le diable l'emporte, pensa Harold. Le voilà qui se sert encore à boire. Je regrette sincèrement de les voir se terminer si vite, reprit Stoddard. J'aimerais beaucoup que vous puissiez trouver un autre remède à vos difficultés. Parasite, pensa sinistrement Harold. Tout ce que tu regrettes, c'est d'avoir bientôt à te débrouiller par tes propres moyens. Mais sérieusement, Harold, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de demander le divorce ? Et les lois sur la communauté des biens, lui rappela Harold. Pourquoi partagerais-je tout ce que je possède avec Marcia ? Pour la remercier de m'avoir empoisonné l'existence ? D'ailleurs, elle est tellement obstinée qu'elle refuserait. Et il y a aussi l'assurance, insinua Stoddard. Exact. Nous sommes assurés tous les deux. Si elle meurt accidentellement, je touche 100 000 $. La moitié est pour vous. Stoddard se détourna, mais pas assez vite pour cacher la lueur soudaine qui éclaira son visage. Soit. Nous avons conclu un marché et j'exécuterai la part qui m'incombe. Mais je vous regretterai tous les deux, Harold, ainsi que cette maison. J'en étais venu à m'y considérer comme chez moi. Tu parles, se dit Harold. Tout haut, il déclara d'une voix soudain plus dure. Je vous conseille d'arranger l'accident cette nuit. Lorsque Marcia fut de retour, Harold était dans sa chambre personnelle. Il entendit des éclats de voix, puis elle frappa furieusement à la porte et entra. « Il n'est pas nécessaire de démolir la porte, » dit Harold. Elle fronça les narines, elle se plaignait toujours de ce que cette pièce empestait le vieux cuir, le tabac de pipe et les livres. Elle se plaignait toujours de ce que cette pièce empestait le vieux cuir, le tabac de pipe et les livres. « Tu n'ouvres jamais la fenêtre ici ?» lui demandait-elle tout le temps. Mais aujourd'hui, elle semblait préoccupée par autre chose. « Elle a perdu au bridge, » décida Harold, incapable de se concentrer assez longtemps sur aucun jeu pour devenir experte. Elle était très mauvaise perdante. « Ton secrétaire !» glapit-elle. « Pourquoi est-ce que tu le laisses se saouler ainsi ? Il pue le whisky à 10 mètres. » « Je croyais que tu aimais Stoddard. Tu es si souvent avec lui. Il faut bien que je parle à quelqu'un. » « Ah !» réfléchit Harold. « Mes craintes n'étaient donc pas fondées. Elle le déteste tout autant que moi, mais je dois rester prudent. Je pourrais le mettre à la porte ?» Son visage refléta divers sentiments. « Bah, pas à cause de moi, après tout. C'est ton secrétaire. Oublie ça, Harold. Je dois être de mauvaise humeur. » Perplexe, Harold la regarda sortir. Ce n'était pas dans les habitudes de Marcia d'abandonner si vite ou de lui concéder un point. Il se sentait vaguement mal à l'aise. « Bah, après tout ce soir, tout serait peut-être fini. » Harold se couchait généralement de bonne heure. Ce soir-là, il prétexta un travail urgent à terminer et attendit de les entendre partir pour la plage. Le temps passa lentement. Marcia descendit de sa chambre et s'affaira derrière le bar. Elle était seule. Impatient, Harold se demanda ce qui pouvait bien retenir Stoddard. Il tendait l'oreille au moindre bruit, essayant de reconnaître le bruit des pas de Stoddard. N'en pouvant plus, il marcha soudain vers la porte et l'ouvrit. « Je croyais que vous alliez tous les deux vous baigner, » dit-il. Marcia se retourna. Elle n'était pas habillée pour sortir. « Nous avons changé d'avis. » « Où est Stoddard ?» demanda Harold indigné. « On ne pouvait pas compter sur cet homme-là. » « Tu as l'air bien nerveux, » sourit Marcia. « Se pourrait-il que tu aies finalement des soupçons ?» Harold avala sa salive. « Que veux-tu dire ?»« Voyons, mon chéri, tu es pénible, odieux, égoïste, mais tu n'es pas borné à ce point. Tu ne crois tout de même pas que j'ai passé tout ce temps avec Stoddard parce qu'il m'intéressait ?» Elle éclata de rire et reprit. « Ce que je veux dire, mon cher époux, c'est que j'ai réussi à persuader Stoddard de te liquider. » Stoddard ? Harold se tourna, hébété, pour faire face au secrétaire qui descendait lentement l'escalier. « Oui, » dit Stoddard en sortant un revolver de sa poche. « Et voici l'arme que Marcia m'a achetée pour vous tuer. Mais ne vous en faites pas, mon vieux. Je n'ai pas l'intention de donner suite à sa requête. » Marcia laissa tomber son verre qui se brisa sur le sol. Personne ne sembla s'en soucier. Harold respira. Stoddard posa le revolver sur le bar. « Marcia et moi avons eu des mots tout à l'heure lorsqu'elle est revenue de son bridge. Savez-vous pourquoi, Harold ? J'étais censée vous tuer pendant son absence. J'ai fait tout mon possible pour retarder le moment de cette confrontation, sachant combien elle serait déplaisante pour tout le monde. Mais je me rends compte qu'on ne peut guère l'éviter maintenant. Vous êtes tous les deux beaucoup trop impatients. Je ne puis continuer indéfiniment à remettre l'exécution de mon contrat. » Cet après-midi, Marcia a insisté pour que j'exécute son plan sans tarder, pour que je vous tue et que je l'aide à fabriquer une histoire de cambrioleur surpris par vous et qui vous aurait tiré dessus. Et vous, naturellement, vous insistiez pour que Marcia ne revienne jamais de sa baignade nocturne. Marcia laissa échapper une légère exclamation de surprise. Stoddard se mit à rire. « Oui, Marcia, votre mari m'a offert à peu près le même marché que vous. Vous avez très certainement un intérêt commun, la dissolution par la force de votre mariage. Je regrette beaucoup de vous décevoir tous les deux. » Harold bredouilla quelque chose et essaya de protester. Vous devriez vous asseoir, lui dit Stoddard avec sollicitude. Vous êtes écarlate. Il ne faut pas vous remettre dans tous vos états. Pensez à votre ulcère. Maintenant qu'il est bien établi que je ne vous assassinerai pas, ni l'un ni l'autre, la question qui se pose est : que vais-je faire ? Stoddard prit un air radieux. Il semblait tout à fait content de lui-même. Pour commencer, je contribuerai à maintenir l'intégrité de ce qui est, malgré ce que vous pensez, un mariage presque parfait. Même si 1000 petits détails vous séparent sur de nombreux points, vous avez exactement les mêmes réactions. J'en suis la preuve. Et parce que j'attache tellement de prix à votre amitié, j'ai l'intention de faire en sorte que votre mariage soit durable. « Je n'écouterai pas un mot de plus, » dit Marcia en se dirigeant vers la porte. Harold était trop suffoqué pour ouvrir la bouche. « Ne soyez pas trop pressé, » avertit Stoddard. « Je n'ai pas terminé. J'ai fait un précieux usage de ce magnétophone que vous détestez tellement tous les deux. J'ai fait en sorte d'enregistrer quelques conversations tenues avec chacun d'entre vous. Des conversations très compromettantes. Je ne suis pas très au fait des détails juridiques entourant ce genre d'affaires, mais je suppose que de toute façon, vous n'aimeriez pas tellement que ces conversations soient rendues publiques. Vous ferez donc exactement ce que je vous dis. » Harold commençait à reprendre ses esprits. « Vous ne voulez pas perdre 50 000 $, Stoddard ? « Aucune amitié, puisque vous choisissez d'appeler ainsi nos relations, ne peut avoir un tel prix à vos yeux. » Stoddard eut un haussement d'épaules. « Très bien, je reconnais que votre offre de 50 000 $ pour le meurtre de Marcia m'a en effet intéressée. Elle ne m'en a offert que 40 pour le vôtre, à propos. Mais je connais mes défauts. J'aurais dilapidé cet argent en un rien de temps, alors que j'ai la possibilité de rester vivre ici, dans le confort et le bien-être pendant aussi longtemps que je le désirerai. Naturellement, il sera nécessaire de m'accorder une substantielle augmentation de salaire. À la longue, j'imagine que cet arrangement me rapportera plus que 50 000 $. Il alla derrière le bar et prit une bouteille. « Je monte dans ma chambre maintenant. Je vous laisse seuls comme deux amoureux. J'en ai marre de vos chamailleries perpétuelles. J'espère que cela diminuera à l'avenir. À partir de maintenant, nous allons former une grande famille unie. » Il s'arrêta sur le pas de la porte. « Et n'oubliez pas de commander encore de cet excellent bourbon, Harold. Vos réserves s'épuisent. » Lorsqu'ils furent seuls, Marcia s'écria avec véhémence « Et dire que je ne pouvais pas supporter l'idée de passer encore toutes ces années avec toi. Maintenant, il y a Stoddard par-dessus le marché. Dans quelques années, il nous aura tondus comme des moutons, dit Harold. Mais il ne partira pas sans exiger une coquette somme en échange de ses bandes magnétiques. » Marcia se mit à genoux et commença à ramasser les morceaux du verre qu'elle avait brisé. « Nous devrions engager quelqu'un pour l'assassiner. »« Oh non, j'ai compris la leçon. » Harold saisit le revolver que Stoddard avait laissé sur le bar. « Il ne manque pas de confiance pour avoir laissé ça traîner, tu ne trouves pas ?» Marcia le dévisagea, puis se mit à sourire. « Il t'a peut-être sous-estimé, mon chéri. »« Nous, ma chère, il nous a sous-estimé. » Harold lui offrit son bras. Mais il avait raison, je crois, lorsqu'il disait que nous avions les mêmes réactions pour certaines choses. « Nous montons ?»« Allons-y. J'ai une histoire épatante sur un cambrioleur qui essayait de s'introduire dans la maison. Elle est déjà toute prête. « Je te donnerai les détails en chemin. »« Eh bien, voilà, voilà. Bon, on ne dit pas s'ils ont réussi. Hein. Voilà, vous passerez une excellente semaine. Et puis, on va commencer un petit peu les musiques d'Alfred Hitchcock également. Voilà, à tout bientôt sur Radio Gémozo. »